Il est 18h, c'est 100% Union sur Arc-en-Ciel, tous les lundis de 18h à 19h. C'est en ma compagnie que vous pouvez passer votre lundi soir afin d'avoir toutes les dernières informations sur le week-end passé, en tout cas pour les résultats, et puis sur ce qui nous attend pour cette semaine. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon lundi. Le soleil est au rendez-vous. Il l'a d'ailleurs été tout le week-end sur les terrains, donc pas évident pour nos petits joueurs et puis pour nos seniors aussi. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On se croirait presque en vacances. Está volviendo tóxica. ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada. Ya, yo no puedo. Buscando siempre excusas. Fuck you. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Habrá más amores. Tú y yo fuimos uno. No se muera ni uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie tiene culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel. Feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va. Pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada. No se compra con nada. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. Palomo, baby. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Papi Juancho. La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto. Yo creo que te estás buscando como excusas para terminar conmigo. Perdóname, por favor, estoy confundida. Te quiero. I'm not happy. ¿Happy? Si yo te entrego todo, mi vida, no entiendo. Vous êtes bien sûr Arc-en-Ciel, 100% Union. l'émission où vous avez toutes les informations sur tout ce qui s'est passé sur le week-end précédent. Donc aujourd'hui, Yousra n'est pas avec nous, donc c'est moi qui ferai un peu les résumés des matchs donc du week-end, et donc pas que du week-end, puisque la semaine dernière, donc nos petits U11 ont eu des matchs mercredi, donc un peu comme pour les pros, donc du foot un peu toute la semaine. Donc avant toute chose, je tiens donc à remercier aussi les parents qui ont joué le jeu. Donc c'est pas forcément évident étant donné qu'on a rajouté des matchs non prévus initialement, hein. Donc les mercredis c'est d'habitude le repos pour eux, et donc là effectivement on les avait un peu sollicités pour ce qui concernait des matchs décalés donc qui avaient lieu mercredi. Donc pour commencer, mercredi après-midi, donc on avait en premier match, on avait donc nos U13 qui recevaient Beaugency. Donc c'était pareil, un match en retard sur le championnat donc des U13. Défaite malheureusement pour nos U13 de 4-2 face à cette équipe de Beaugency. Donc on écoute tout de suite la réaction du coach, donc Chaïd, concernant ce match de nos U13. Bonjour, c'est Chaïd, le coach de U13. À propos du match de mercredi, c'était un match compliqué, un match difficile, mais on a perdu 4-2, mais on devrait gagner. Déjà, on a raté trop d'occasions, Yassimio qui a raté un penalty, et aussi il y a des joueurs qui n'étaient pas là et ne pouvaient pas venir, car c'est le mercredi, on a joué mercredi. Mais ça n'empêche pas de gagner, de ramener les 3 points. Mais voilà, c'est ça le foot. Mais on va travailler à l'entraînement, ça c'est la fin de la saison, on va bien travailler pour revenir fort la saison prochaine. Merci. Donc voilà pour nos U13, avec donc l'analyse du coach. Donc effectivement, comme il a dit, donc pas mal d'absence lui sur son 11 habituellement, enfin sur son 8 puisqu'il joue à 8 titulaire. Donc effectivement, un match le mercredi, c'est assez compliqué de réunir l'effectif au complet étant donné que bon, les enfants ont d'autres activités. Donc en tout cas, comme le dit si bien le coach, il faut maintenant préparer la nouvelle saison. Donc c'était leur dernier match de championnat. Donc maintenant ils vont un peu se focaliser sur la saison qui arrive, et puis ils auront quelques tournois au mois de juin pour justement se préparer au mieux pour cette saison qui arrive. Ensuite, donc à 17h30, on avait deux matchs pour nos U11. Donc l'équipe 2 et l'équipe 3 se déplaçaient à Saint-Denis de l'Hôtel. On va commencer par l'équipe 3, vainqueur 6-2 face à l'équipe 3 également de Jargeau Saint-Denis. Donc on écoute les réactions de la coach qui avait pris l'équipe ce jour-là. Bonjour, je suis en compagnie de Samantha qui aujourd'hui a accompagné l'équipe 3 des U11 à Saint-Denis d'Hôtel. Victoire 6-2 pour nos joueurs. Samantha, tes impressions sur le match aujourd'hui de nos petits jeunes? Eh ben du coup, ça faisait un moment que certains joueurs avaient pas joué, et donc du coup on a pu découvrir un petit attaquant qui nous a planté des buts, donc bravo à Abdallah. Notre milieu centre a bien servi du coup pour pouvoir faire des centres, ce qui a permis aussi d'aller vers l'avant et de marquer tous ses buts. Après sinon il n'y avait pas non plus trop d'opposition, le pauvre petit gardien en face a pris un ballon dans la tête, du coup ils ont changé de gardien, ce qui a facilité aussi les choses. Donc c'était l'avant-dernier match pour notre équipe 3. Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan de cette équipe 3 qu'on a créée donc en milieu de saison? Oui, ils ont très bien évolué. Le fait qu'il y ait la 1 et la 2 aux entraînements avec eux, les tirs vers le haut, et ça se voit au résultat, puisqu'aujourd'hui on est premier sur le tableau d'affichage, donc on est très content. Ok, merci Samantha. Donc voilà pour notre équipe 3D11. Donc pour ce qui concerne les buteurs, on avait un triplé d'Abdallah, donc bravo à lui. Un but également de Yanis, un but de Ziad et enfin un but de Marc-Olivier. Donc victoire 6-2. En parallèle, donc se déroulait le match de l'équipe 2 qui pour le coup n'a pas eu la même chance. Donc défaite 5-2 pour notre équipe 2. Donc on fera on aura l'interview du coach de l'équipe 2 en même temps que le match de samedi, de ce samedi. Donc on poursuit donc justement avec les matchs de samedi. Donc on avait nos trois équipes U11 qui recevaient à domicile. Donc premier match, l'équipe 3 recevait Jouy-le-Potier et score final 2-2. Sur un match assez équilibré avec une belle équipe de Jouy-le-Potier en face. Donc on va écouter tout de suite les réactions du coach Nuno pour ce match avec l'équipe 3. Donc je suis en compagnie de Nuno, coach de l'équipe 3 des U11. Donc match nul 2-2 face à Jouy-le-Potier aujourd'hui. Une équipe un peu remaniée avec pas mal d'absents. Qu'est-ce que tu as pensé toi aujourd'hui du match ? C'est ça, le match a été compliqué du début à la fin. Sûrement à cause des absences au départ. On a dû refaire l'équipe et essayer de la structurer. On a réussi à obtenir le match nul sur les 5 dernières minutes. Je suis plutôt fier de ceux qui sont montés pour aider l'équipe 3 et on va poursuivre ainsi pour voir si on peut jouer encore la première place. Donc là, sur cette fin de saison, tu peux déjà dresser un bilan, toi, sur l'équipe 3. Donc, ils avaient fait un très beau match mercredi, que tu étais absent, mais ils avaient fait un très beau match à Saint-Denis de l'Hôtel. Est-ce que tu as vu des progressions, toi, sur l'ensemble des joueurs que tu as habituellement en équipe 3 ? En général, oui, c'était une bonne progression du début à la fin. Au début, on n'avait pas trop à jouer en passe collectif. Et sur la fin, on peut voir qu'on, étant une division moins supérieure à l'équipe 2 et l'équipe 1, on a réussi quand même à faire circuler le ballon. Certains joueurs ont progressé, notamment notre défenseur Swan central qui a très bien joué là ce match-là et qui continue ainsi pour peut-être jouer en équipe 2 et équipe 3. Équipe 2 et équipe 1. Ok, bon bah merci Nuno. Donc voilà pour l'équipe 3 concernant son match de samedi. Donc je le rappelle, match nul 2-2 face à Jouy-le-Potier. Les buteurs sur cette rencontre, donc c'était Abdallah et Yanis. Donc bravo aux garçons pour leur but. Ensuite, un peu plus tard, donc à 12h30, on avait l'équipe 2 qui recevait l'équipe 2 de Beaugency. Donc un match avec un très très bon résultat pour notre équipe 2. Victoire 10-1. Donc on va écouter tout de suite les réactions du coach qui va revenir en même temps sur le match de mercredi. Donc je suis avec Amine, coach de l'équipe 2 des U11. Défaite 5-2 contre Saint-Denis de l'Hôtel. Tes impressions sur le match ? Un match très difficile dans l'ensemble. Pas beaucoup d'occasions en avant, même si... Comme d'habitude, on rate beaucoup, mais on peut dire qu'on s'est fait dominer un peu. On va maintenant parler du match d'aujourd'hui, du coup, de samedi. Victoire 10-1, donc on peut dire que vous êtes bien rattrapé sur ce match-là. Donc toi, tes impressions sur ce match-là face à Beaugency ? Il fallait qu'on remonte dans le classement. On était mal classé. Là, ça va, on remonte au milieu de tableau. J'avais dit aux joueurs qu'il fallait se la donner à fond. C'est ce qu'ils ont fait. Un beau jeu collectif avec beaucoup d'occasions, ça a payé. Donc on a fait jouer plusieurs joueurs qui ne jouaient pas habituellement en équipe 2, notamment Abdallah qui met un triplé. Tes impressions toi sur nos buteurs aujourd'hui ? Non, comme j'ai dit, un bon jeu collectif, ce qui permet d'avoir beaucoup de buts. Comme vous avez dit, on a fait monter des joueurs qui ne jouaient pas d'habitude avec nous, mais ils ont fait l'affaire. Ok, merci Amine. Donc voilà pour l'équipe 2, donc victoire 10-1. On avait en buteur, donc en plus du triplé d'Abdallah, donc le deuxième en une semaine. Bravo à toi, Abdallah. On avait aussi donc un triplé pour Fallou, un triplé pour Youssef et enfin un but d'Andy. Donc bravo les garçons pour ce match avec plein de buts pour nos U11. Donc avec cette victoire, donc comme le dit le coach, on se rapproche du milieu de tableau. C'était un peu l'objectif sur les deux derniers matchs qu'il nous reste. Donc c'est vraiment essayer d'accrocher accrocher le milieu de tableau pour notre équipe 2. Enfin, donc en même temps, à 12h30 toujours, on avait l'équipe 1 qui affrontait pour sa part l'équipe 1 de Beaugency, et malheureusement une défaite pour notre équipe 1, 1-0. Donc on perd pour l'instant la première place du classement, donc en attente évidemment du dernier match de la semaine prochaine, que nos joueurs vont certainement essayer de se rattraper et de gagner. Donc j'ai pas l'audio pour la coach, donc on a un petit résumé. En gros, pour la coach, les joueurs ont pris un peu Beaugency de haut. Donc en analysant le résultat, ils avaient peut-être cru que le match était gagné d'avance. Et effectivement, la coach avait prêté des joueurs donc à l'équipe 2. Et effectivement, au niveau des choix offensifs, elle a pas réussi, enfin ils ont pas réussi du coup à concrétiser les occasions. D'après elle aussi, Beaugency a montré beaucoup plus d'envie de gagner ce match. Donc effectivement, ils affrontaient le premier, donc ils ont vraiment essayé de tout donner. Ils ont tout donné sur le terrain, et malheureusement défaite donc pour nos U11. Donc on fait une petite pause musicale, on reviendra ensuite sur les autres matchs du week-end. Donc un week-end quand même assez chargé. Pour cette fin de saison. Donc on revient tout de suite après. En ciel, c'est du soleil toute la journée. Não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação, e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim: tá bonito este baile. Dançar entre a multidão, o teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bum-bum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. És o amor, só tu tens tudo o que eu precisa. Bonito, bonito, oh, foi um bailarico, oh. Let's go. vous êtes bien sur Arc-en-Ciel, 100% Union, tous les lundis de 18h à 19h sur le 96.2. Vous avez, si vous le souhaitez, toutes les informations nécessaires quant à notre association, donc l'Union Portugaise d'Orléans. Donc on était sur les résumés des matchs du week-end. Donc on a abordé donc déjà tout ce qui était école de foot, donc jusqu'au 11. Préciser également que nos U9 avaient un plateau samedi matin, donc à Saint-Jean-de-Blanc. Deux équipes se sont présentées, donc des résultats assez encourageants. L'équipe 1 a remporté tous ses matchs. L'équipe 2, quant à elle, a fait une défaite, un match nul et trois victoires. Donc bravo à nos petits U9 pour leur résultat de samedi. On poursuit donc avec le foot à 11, un match à 15h, donc à Nancré pour nos U17. Malheureusement, défaite 2-0. Donc pareil, j'ai pas l'analyse du coach concernant ce match. Donc il semblerait qu'il y ait eu quelques erreurs arbitrales qui ont donc conduit à ce résultat. Donc on espère, en tout cas pour nos U17, que la semaine prochaine, ils pourront ramener les 3 points et remonter un petit peu au classement. Donc là, ils sont actuellement 7e, donc en attente aussi d'un match du 6e pour peut-être espérer les dépasser au classement la semaine prochaine. Ensuite, donc, on avait un match capital qui se jouait donc au Stade Beltest pour nos U19, donc qui jouait face au premier, donc Mandoré. Un match très équilibré, très serré, mais nos U19 se sont imposés 4-3, donc face à Mandoré pour l'avant-dernier match de leur championnat. Donc, on en reparlera, enfin on va l'écouter aussi sur les coachs, mais en tout cas on leur souhaite vraiment de pouvoir remporter leur dernier match et ramener la première place. Donc on va d'abord écouter les U19, les joueurs, avant d'écouter l'interview du coach. Je suis en compagnie des trois buteurs U19 sur cette rencontre, donc Cheikh, Ayman et Sheldon. On va parler d'abord avec toi, Cheikh, buteur sur le dernier but de la victoire. Tes impressions sur ce match ? Franchement, il était compliqué. Ils n'ont pas joué fair play, joué le temps. Mais on a su rester motivé et on a gagné. Hein. C'est le principal. Donc là, la semaine prochaine, match retour face à la même équipe. Qu'est-ce que vous pouvez attendre là-bas, Sheldon ? Ça va être un combat, carrément. Il faudra se déchirer sur le terrain. Ils ont l'air d'avoir la grinta là. Nous aussi, on va devoir répondre. Donc, ce sera un très beau match. Très beau match. Ayman, on est champion la semaine prochaine ? Bah, j'espère bien. Après, il faut avoir la grinta, comme il l'a dit Sheldon. Il faut se la donner sur le terrain, marquer et défendre aussi. Parce que la défense aussi, c'est un très très gros point faible chez nous. Et il faut travailler ça. Ok, bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci les garçons. Merci. Donc voilà pour nos trois buteurs, donc nos trois buteurs U19 sur ce match, on peut dire un rebondissement aussi. On va écouter désormais l'analyse du coach concernant ce match. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors victoire 4-3 de vos U19 ce week-end à domicile, une victoire plutôt sur le fil pour cette rencontre qui paraissait plutôt équilibrée. Quelles sont vos impressions sur ce match ? Oui, effectivement. On est passé par toutes les émotions. On a d'abord réussi à prendre faire l'entame qu'on souhaitait en menant rapidement par deux buts. Puis, en fin de première, on s'est un peu relâché. Mandoré a aussi poussé. C'est une belle équipe, hein, faut le dire aussi. Les premiers, hein, c'est ça ? Tout à fait. Ils sont actuellement premiers. On essaie justement de contester leur première place. Donc Mandoré a bénéficié d'un penalty juste avant la mi-temps et a su réduire le score. En début de seconde, on fait un premier quart d'heure complètement raté. On prend deux buts quasiment en deux minutes. Et donc on se retrouve mené 3-2. Donc les joueurs connaissaient la donne. Hein. S'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de première place. Donc voilà, donc ils ont su réagir, déjà revenir au score et arracher vraiment la victoire dans les ultimes minutes du temps additionnel. Donc bravo à eux, parce qu'on n'a pas toujours été bon dans les dernières minutes, on a perdu pas mal de points. Donc là, ça s'est inversé. Donc bravo à eux pour leur mental. Et la semaine prochaine, vous vous déplacez à Villemandeur et ce sera un match décisif pour la première place. Est-ce que vous êtes plutôt confiant ? Confiant, oui. Mais il faut pas. Enfin, il faudra quand même travailler, parce qu'on a, vraiment vu que cette équipe de Mandoré s'est jouée avec ses qualités, nous a mis en difficulté. On a quand même encaissé 3 buts. Ce sera chez eux, ce sera pour connaître un peu le terrain là-bas. C'est pas simple de pratiquer ce que l'on sait faire là-bas, donc peut-être on va se réunir mardi pour peut-être changer notre façon de faire, et on va décider de ça dans la semaine pour essayer de ramener la victoire de Mandoré. Et vos joueurs, ils sont plutôt confiants, ils se voient déjà premiers ou ils sont plutôt avant-gardistes? Alors, ils se voient premier, j'espère pas, parce qu'il y a un match à jouer. Ils semblent confiants, mais encore une fois, il faut vraiment tout donner pour ce match-là, et un peu à l'image de ce match samedi, vraiment faire ne rien lâcher et ne rien regretter. Et s'ils gagnent, est-ce que vous leur avez promis quelque chose ? Pour leur première place. Alors, s'ils gagnent, bien sûr, il y aura certainement un petit événement festif du style le resto tous ensemble, et puis au retour d'ailleurs. Donc voilà, certainement quelque chose comme ça. Ok, bon, j'espère qu'on sera invité. Peut-être. Allez, bon courage pour la semaine prochaine. Merci également. Donc voilà pour Neuilly 19. Comme on l'a dit, effectivement, on espère, en tout cas, on souhaite vraiment à nos U19 la victoire la semaine prochaine. Donc, avec cette victoire de samedi face donc au premier, ils se retrouvent, enfin, ils continuent deuxième, mais à 2 points. Donc, effectivement, pour samedi, seule la victoire compte s'ils veulent se retrouver premier. Donc, messieurs les U19, si vous nous écoutez aujourd'hui, on compte vraiment sur vous. Et puis, on sera probablement, enfin, certains dirigeants du club seront très certainement derrière vous pour vous soutenir et puis vous encourager pour ce match qui s'annonce compliqué, mais si on a envie, rien n'est impossible. Donc on fait une petite pause musicale et on reviendra avec le dernier match du week-end, donc le match de notre équipe une. Palabras para exprimir ese momento. Anjos aplauden nuestro amor, nuestra felicidad, nuestra alegría. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo, e o nosso amor é lindo, e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. E cai neve em todas as estações, e até no rádio dedicam-nos canções. O mundo real rendeu-se ao nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama espalha. O sorriso encontra. Como é doce o beijo. Como é doce o beijo. Oh, oh. Sozinhos na rua. Já chama loucos, porque contamos estrelas do céu. Já chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Já chama loucos, porque contamos estrelas do céu. Já chama loucos. Tatuamos nossa imagem no coração. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Vous êtes bien sûr Arc-en-ciel, 100% Union, comme tous les lundis, de 18h à 19h. On revient sur les résultats du week-end, mais également sur le programme de la semaine et ainsi que du week-end qui arrive. Donc on va terminer notre tour des stades et avec les derniers résultats des matchs donc d'hier, donc avec le match, un match également décisif pour nos seniors qui donc essayaient ou essayent d'assurer le maintien. Donc victoire 6-4 de nos seniors face à Bonny Beaulieu avec un match à rebondissement. Donc on va tout de suite écouter l'analyse du coach David. Oui, une victoire 6-4 hein, sur ce score de tennis. On a fait pas mal d'erreurs défensives, hein, de marquage. Hein, sur les quatre actions, Bonny a marqué 4 buts. Hein, nous, on en a marqué 6, mais on en a raté, on a vendangé quelques-unes. Mais un match sérieux des garçons qui ont eu l'envie, malgré cette chaleur étouffante, qui sont combattus jusqu'au bout. Et pour qu'on soit un peu, qu'on puisse respirer un peu que le dernier quart d'heure. À 25 minutes de la fin, on perdait 4-3. Donc, belle réaction des garçons. Il fallait absolument gagner ce match-là. C'était un match à 6 points. Il fallait absolument repasser devant Fleury, qui avait perdu la veille contre Saint-Jean-de-Blanc. Donc, chose faite. Maintenant, il faut continuer. Et il reste 2 matchs à gagner et pour pouvoir espérer se maintenir en deuxième division. Donc voilà pour l'analyse du coach de nos seniors suite à cette victoire 6-2 face à Bonny Beaulieu, 6-4 pardon, face à Bonny Beaulieu. Donc avec cette victoire, l'équipe 1 est donc 7e avec 2 points d'avance donc sur Fleury comme l'a dit le coach qui est donc 8e. Donc encore 2 matchs à jouer, 2 finales hein, on pourrait dire. Donc on souhaite bien évidemment de la réussite à nos seniors. Donc concernant ce match avec 6 buts, la liste des buteurs est assez assez rapide puisqu'on a un quintuplé de Shade, donc qui a marqué 5 buts, bravo à lui, ainsi qu'un but d'Amadi. Donc bravo les garçons, bravo pour cette victoire et bravo pour vos buts. Donc voilà pour les résultats du week-end qui viennent de se terminer. Donc on abordera, enfin je vais aborder du coup le programme du week-end à venir un peu plus tard, juste avant la fin de l'émission. Donc juste avant quelques annonces, hein, comme d'habitude. Donc déjà remercier tous nos dirigeants aussi, tous les parents qui nous accompagnent, notamment pour les matchs à l'extérieur. Donc on a eu par exemple cette semaine pas mal de matchs à l'extérieur, donc notamment avec les deux équipes U11. On a eu aussi un long déplacement à Nancré, donc pour nos U17. Donc bravo aux éducateurs sans qui ça serait pas possible, et encore merci aux parents aussi qui nous accompagnent, donc qui donnent de leur temps et qui nous permettent aussi et qui permettent donc à leurs enfants de pouvoir faire ces déplacements qui dans certains cas sont assez lointains. Par la même occasion, donc j'en profite aussi un peu comme tous les lundis, donc pour vous rappeler que vous avez toujours possibilité de passer voir le président, donc au siège de l'association, donc au Faubourg Saint-Vincent. Donc vous avez possibilité de boire un café ou une boisson fraîche, enfin surtout une boisson fraîche si la météo continue aussi chaude que maintenant. Donc n'hésitez pas, il est ouvert du mardi au dimanche, donc n'hésitez pas l'après-midi de 15h à 19h ou à 20h en fonction des gens qui sont présents. Également donc possibilité aussi les week-ends de réserver ou de commander des grillades. Donc effectivement, si on a un peu la flemme de préparer à manger, n'hésitez pas, vous lui passez un petit coup de fil, vous réservez, puis vous avez juste à passer les récupérer et en rentrant, bah, vous avez juste à mettre les pieds sous la table. Donc voilà pour les petites infos. Également, donc là on arrive pour toutes nos catégories quasiment sur la fin des championnats. Donc à partir du mois de juin, on commencera évidemment à aborder les renouvellements, donc pour les gens qui veulent, pour les joueurs qui veulent rester à l'Union. Mais on aura aussi la possibilité d'avoir des entraînements portes ouvertes, donc c'est-à-dire pour des gens qui souhaiteraient essayer, voir un peu comment ça se passe. Ça n'engage évidemment à rien. Donc je vous en reparlerai bien évidemment à la fin du mois, puisque ça va être mis en place au mois de juin. Donc vous aurez, pour ceux qui le souhaitent, hein, donc à partir de 5 ans, et sans limite d'âge, hein, évidemment, on a un peu toutes les catégories, et on a également une équipe féminine qui joue surtout plutôt en loisir, hein, donc il n'y a pas de vraiment de championnat, mais c'est quelques entraînements et quelques tournois dans l'année. Donc voilà, si vous souhaitez essayer, si votre enfant a envie d'essayer, n'hésitez pas, vous avez toujours la possibilité de venir nous rencontrer à Lillaro. Donc on donnera les dates, et évidemment vous pouvez suivre toutes ces informations sur nos réseaux sociaux, donc sur le Facebook Union Portugaise d'Orléans, ainsi que sur Instagram. Et donc par la même occasion, si certains d'entre vous ont envie d'essayer le coaching, pareil, on est ouvert évidemment, on cherche aussi des nouveaux éducateurs, des gens qui seraient disponibles pour nous filer un coup de main. Donc si vous voulez venir essayer, voir comment ça se passe, bah pareil, hein, vous aurez toutes les informations, n'hésitez pas à nous contacter et on vous répondra, on l'espère, dans les plus brefs délais. Voilà pour les petites annonces. Le mois de juin rime aussi avec tournoi, hein, quand les championnats se terminent, généralement on finit la saison sur des tournois. Donc on a quelques dates déjà avec quelques tournois engagés pour nos équipes jeunes. Donc évidemment ça sera communiqué aux parents en temps et en heure, mais c'est une ambiance assez particulière et assez intéressante que de pouvoir passer un long moment ensemble. Et c'est vrai que les enfants sont toujours ravis d'aller en tournoi. Donc voilà, donc ça sera communiqué en temps et en heure. Et évidemment, le must de cette année, ça sera donc le tournoi en Vendée pour nos U11 le week-end du 17 au 19 juin. Voilà pour les infos pour cette semaine, enfin plutôt aussi d'ordre général. Nous avons également participé donc ce week-end. Il y avait un petit rassemblement des parents U11 pour un petit pique-nique après leur dernier match à domicile. Donc je tiens à remercier tous les parents qui ont participé, notamment avec leur bon gâteau. C'était un très bon moment. Puis ça change aussi un peu de pouvoir partager un peu autre chose que du foot. Donc voilà, merci à eux. Et puis ça sera évidemment quelque chose à reproduire pour nos autres catégories. Donc voilà, on refait une petite pause musicale et puis on revient. Enfin, je reviens tout de suite avec les annonces concernant la semaine qui arrive. Tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui. Me perdi em nós e gostei mais de você do que você gostou de mim. E tudo certo, porque as noites com você são boas, mexendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. Talvez você se vá antes que o sol levante mais. Eu vou te amar. Idiota ama, vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama. Eu espero enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe. Eu vou te beijar como um idiota beija. Vou me preparar pro dia em que você já não me queira. Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota ama. Conhecia todos os teus jeitos de trapace. Infelizmente eu caí. Me perdi no centro dessa cara bonita. É tão difícil de sair, mas tudo certo. Porque as noites com você são boas. Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. Talvez você se vá antes que o sol levante mais. Eu vou te amar. Me resolvo tudo certo. Em qualquer sombra eu descanso. A gente tem a dor parecida nessa vida. Por isso eu gosto tanto. vous êtes toujours sur 100% Union, sur Arc-en-Ciel 96.2. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Union portugaise. Donc, concernant cette semaine en cours, donc on a deux anniversaires à souhaiter. Donc, aujourd'hui, Jimmy, U19, qui fête son anniversaire. Donc, très joyeux anniversaire à toi, Jimmy. Et ainsi que Swan, joueur U11, qui fêtera donc son anniversaire demain. Donc, voilà, c'est pas trop d'anniversaires cette semaine. On est sur deux joueurs. Autre chose, donc j'en ai pas parlé tout à l'heure à l'issue des interviews de nos différents intervenants des matchs de ce week-end, mais encore une fois, je tiens donc à vous remercier de vous y prêter, des fois un peu contraint et forcé, mais toujours, on arrive toujours à avoir un petit volontaire qui s'exprime. Et puis merci aux coachs aussi qui prennent un peu de temps. Pour analyser un peu leur match et puis nous parler de leurs ambitions aussi sur les résultats à venir. Et puis merci donc à Lucia aussi qui a participé cette semaine aux interviews. Donc voilà, merci à tout le monde, merci à tous les bénévoles encore une fois hein, qui participent donc au bon fonctionnement de l'association. Et puis donc merci aussi à nos partenaires sans qui on aurait aussi certaines difficultés donc à pouvoir organiser certains projets. Donc voilà pour cette semaine. Donc pour le week-end à venir, donc on a aussi encore un week-end un peu chargé. Donc on est sur la fin des championnats pour quasiment toutes les catégories, sauf pour les seniors qui auront encore des matchs la semaine qui suit. Mais sachant qu'avec donc l'organisation de la Coupe du Monde en hiver, donc les calendriers se retrouvent un peu bouleversés, donc on aura probablement au mois de juin quelques matchs pour la Coupe de France, donc qui généralement se passe habituellement au mois d'août. Donc là, avec le décalage un peu de cette Coupe du Monde, tous les championnats sont un peu bouleversés, donc on aura encore probablement quelques matchs au mois de juin pour nos seniors. En tout cas, la semaine prochaine, donc on terminera le calendrier donc des U11, donc nos trois équipes qui vont se déplacer. Donc la première équipe à se déplacer, c'est notre équipe 1 qui affrontera Pithiviers, donc le samedi matin à 10h30, donc il faudra se déplacer à Pithiviers. Ensuite, notre équipe 2 à 14h ira affronter l'équipe de Marcilly, à Marcilly-en-Villette. Et enfin, notre équipe 3 ira un peu moins loin, donc à Saint-Cyr-en-Val, affronter une équipe de l'ASPTT. On aura également donc un match des U17, donc qui vont également se déplacer donc à Pithiviers, un match à midi pour nos U17. Ensuite, donc le match décisif pour la première place pour nos U19, donc c'est samedi à 18h, donc à Villemandeur, où ils vont affronter Mandoray. Donc c'est le match retour de qu'ils ont joué donc ce samedi. Et enfin, dernier match du week-end, ça sera pour nos seniors qui iront à Chingy-Saint-Y affronter donc l'équipe locale. Donc voilà pour le programme du week-end à venir. Donc que des déplacements, on n'aura aucun match à domicile. Mais bon, si c'est pas très loin de chez vous et si le cœur vous en dit, en tout cas la météo normalement devrait être clémente, j'espère, vous pouvez encourager nos différentes équipes qui donc vont se déplacer ce week-end. Donc on aura également la semaine prochaine, donc on aura également les derniers entraînements classiques, on va dire, puisqu'on a aussi pour projet donc de chaque joueur qui va donc changer de catégorie au mois de septembre change également la de catégorie pendant les derniers entraînements afin de commencer à se familiariser, notamment avec les transitions qui sont pas forcément évidentes, hein, donc la transition du foot à 5, donc quand on est en U9, au foot à 8, donc à partir des U11. Et puis on aura également la transition U13, U15, donc ceux qui vont monter, qui passent du foot à 8 au foot à 11. Donc voilà, donc ça sera également, mais ça vous sera communiqué évidemment aux joueurs en temps et en heure, donc ça sera certainement la semaine à partir du 21 mai, enfin du 22 mai du coup. Donc voilà, donc toujours les entraînements le mardi et le jeudi, donc toujours sur les mêmes horaires, hein, de 18h à 19h45 pour nos équipes jeunes et puis nos seniors et nos U19 de 19h30 jusqu'à 21h. Donc voilà pour les infos pour cette semaine. Donc on va mettre une petite musique avant de se quitter et de laisser la place à Manu. Não me dás sinal, vou pela marginal olhar para o rio. Ouço a rádio a dar, está a tocar o que nos uniu. Passo pelo chiado, história em todo o lado. Meu amado, agora passado no rocio. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá. Mais virá. Vimos esta paisagem como uma miragem, mas não foi. Ali no mirador das portas do sol, nós surgimos. Voilà, donc 100% Union, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine donc avec les résultats des différentes rencontres du week-end, en espérant n'avoir que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Je vous souhaite à tous une bonne semaine de travail ou d'études ou de vacances pour ceux qui auraient la chance d'être en vacances. On se retrouve donc lundi à 18h et donc je vous laisse en compagnie de Manu et de son émission On The Rocks. Vienel sur Arc-en-Ciel Orléans. Elle était maquillée